Chae-ryong est vice-président du comité central du Parti Travail de Corée et les cadres responsables du parti et de l'armée ont visité le 23 la résidence des délégués à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung pour les féliciter.